Dimanche après-midi, avec ménage, moi mets dans la main, notre peau mène. Mais nos rivières au bord de mer, qui fait mes poches, me dit coquillage, pour nous chiter à des belles villages. Là, nous fatigués, là, l'on dit côté bon à dépêcher. Là, nos vies d'amour, du côté bon à dégager, nous, comme on va, ouais. Dimanche après-midi, avec ménage, me mets dans la main, notre promène. Le long hiver au bord de mer, il veut mes poches, mes petits coquillages, pour nous chiter à quatre belles villas. Le nom fatigué, la menti côté, bon à dépêcher. Le nom vie d'amour, si côté, bon à dégager. Oui, ça qui te pirette là, mes amis. Comme il vit dans les moi, mes amis. L'homme qu'on m'en a caressé. L'alveur, il l'a laissé. Moi, elle est réveillée, dit maman. Moi, elle est minuit. Mais ma vie, elle est fin d'évoquer. Moi, d'un coup, y'en fait qui désolé. Où est-elle en vue? Moi, pas pour le cas où va manger. Ma belle, elle est en vue. mache compa maman, comment sentir chéri? Le ma mache compa maman, mais comment sentir chéri? Le ma mache compa maman, mais comment sentir chéri? Dis-moi qui y'a un sentir là, dis-moi qui y'a un sentir là, dis-moi qui y'a un sentir là. Zaza di la, zaza di la, dis-moi qui y'a un sentir là. Dim qui a un senti ou là, zaza di la, zaza di la. Le mama che compa mama, mais comment senti ou chéri? Le mama che compa mama, mais comment senti ou chéri? Le mama che compa mama, mais comment senti ou chéri? Dim qui a un senti ou là, dim qui a un senti ou là, dim qui a un senti ou là. Zaza di la, zaza di la, dim qui a un senti ou là, dim qui a un senti ou là, mais dim qui a un senti ou là. Zaza di la, zaza di la. Oui, moi, je vais me chercher. Oui, on va. chega tarde.